CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Alors bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'Aérospatiale, c'est votre magazine consacré entièrement au monde des arts visuels dans la ville de Québec. Et on a un beau programme ce soir. D'abord, je vais recevoir Bernard Paquette. Bernard Paquette qui expose actuellement la Fabrique du corps à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Donc, une exposition de peinture qui nous fait découvrir un imaginaire post-humain assez lumineux, coloré. Notre artiste va venir nous rejoindre en studio dans quelques instants pour venir nous en parler. Ensuite, Anne-Sophie Omar va nous faire une chronique sur l'installation vidéo de Samuel Fourarcre qui s'intitule Dance, Music, Sex, Romance, qui est présenté actuellement à la bande vidéo. Donc, on est vraiment dans une espèce d'univers de séduction, mais de séduction 2.0 avec de l'imagerie 3D mélangée avec du tournage vidéo. Une très, très belle exposition présentée à la bande vidéo. Et en deuxième partie d'émission, comme j'en parlais dans l'émission auparavant avec Jessica Leb, on va recevoir Sophie Lessard-Latendresse pour une chronique sur le redéploiement des collections au pavillon Gérard Morissette au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, un travail de longue haleine que la très grande équipe du musée a fait pour nous présenter trois expositions qui commencent ce soir. Donc, ce soir, c'est le vernissage pour les membres pour faire découvrir ces trois expositions-là. Donc, une exposition qui s'appelle « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? » Une deuxième exposition, 350 ans de pratique artistique au Québec, et une troisième exposition sur l'hiver dans les arts visuels qui s'intitule Mirage blanc. Donc, on va en apprendre un peu plus avec Sophie Lessard-Latendresse qui vient nous rejoindre en deuxième partie d'émission. Et pour l'instant, je vous laisse avec un extrait de Fipère, donc qui nous est proposé encore par Simon Roy cette semaine. Donc, c'est un projet musical de Vlad Sokolov qui nous vient de Moscou en Russie. Donc, une pop électronique joyeuse pour nous faire oublier le froid sibérien qui s'installe rapidement cette semaine. Et au retour, je m'entretiens avec Bernard Paquette. <t'-> Alors, j'ai en studio avec moi Bernard Paquette. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Bernard, tu présentes une exposition qui s'intitule « La fabrique du corps » à la Galerie des arts visuels à l'Université Laval. Une exposition qui regroupe une grande toile, une quarantaine de petits tableaux carrés qui font environ un pied par un pied et des livres en accordéon. C'est une exposition qui explore le thème du post-humain. Pour les auditeurs, les auditrices qui sont peut-être pas familiers avec cette notion-là, est-ce que ça serait possible de l'éclaircir un peu brièvement? Oui, en fait, le post-humain était un mot phare que j'avais utilisé un peu dès le départ, suite au début de ma production, dont celle de la très grande toile qui remonte à 2014, où l'on voit des écorchés animés sans genre qui sont dans un monde fictif du futur. Et en fait, le post-humain, c'est ce qui viendrait grosso modo après l'humain, dans la mesure où le corps peut être refait par la médecine régénérative, en refaisant des tissus, des organes. Enfin, c'est un corps qui est plutôt un corps humain refait qu'un corps robotisé et mécanique. Cependant, j'ai laissé un peu tomber ce mot, ce qui a donné d'ailleurs le titre « La fabrique du corps », justement, pour me concentrer sur la question du corps et de la fabrique de la chair via la peinture et la matière. Donc, cette fabrication de la chair en laboratoire qui fait l'objet d'études en ce moment. Et donc, c'est cette quarantaine de tableaux que vous présentez sont des espèces de gros plans sur des extraits imaginaires de corps écorchés. Oui, c'est à la fois imaginaire et basé sur l'observation d'anatomie, si vous voulez, dans des livres de morphologie, et également, troisièmement, sur ma formation, mes goûts personnels, évidemment, puisque ma première formation est en biologie, physiologie animale, mais surtout grâce à un cours d'une année très, très profond sur la morphologie que j'avais suivi quand je faisais mes études à l'École des beaux-arts de Paris, un cours qui m'avait profondément marqué. Cela dit, la morphologie, l'anatomie humaine, pour l'anatomie humaine, n'est pas intéressante pour un artiste. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il peut faire avec des composantes qui renvoient à celles du corps via son imagination, via l'imaginaire et les caractéristiques de la peinture. C'est pour cette raison-là que j'ai, tout en ayant des repères qui font corps, si vous voulez, j'ai donné le premier plan à la peinture dans la mesure où j'insiste sur la lumière, les volumes, les couleurs. Oui, donc ce travail de la peinture, couleur, texture, surface, on dit également que que tu utilises une palette de peinture très très spécifique, une palette de couleurs très spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste cette palette de couleurs et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Oui, bien sûr. Premièrement, c'est ce qui rejoint toutes les œuvres, y compris les deux livres d'artistes qui sont sur les tables, c'est-à-dire les couleurs qui sont les suivantes: ocre jaune, sienne naturelle, sienne brûlée, ombre naturelle, ombre brûlée, avec quelquefois un peu de gris, un peu de vert, un peu de bleu, mais de façon très très très très minime. Et en fait, ce sont des couleurs qui sont dans mes couleurs préférées, surtout la terre de sienne brûlée, cet aspect rougeâtre, mais c'était dans le but justement d'éviter les couleurs naturalistes de l'intérieur du corps, surtout qui face auxquelles tout humain, même depuis, même Aristote en parlait, on éprouve un certain dégoût, c'est-à-dire les tripes, l'intérieur, les couleurs de sang, l'aspect gore que l'on retrouve quelquefois dans des films. Et donc, pour éviter cela, mais surtout pour l'amour de la peinture, j'ai axé ma production sur cette palette de couleurs de telle manière que toutes les œuvres sont en lien via la peinture. Donc, on entre plus dans un mode illustration qui nous détache d'un côté qui serait trop réaliste de la représentation. En fait, ce n'est pas de l'illustration, parce que ce serait de l'illustration si j'étais un illustrateur de livres d'anatomie en médecine. Là, c'est de l'illustration qui doit quand même refléter, comment dire, la réalité des choses. Alors qu'ici, c'est totalement de la fiction. C'est-à-dire qu'en jouant sur des effets lumineux, qui semblent être ceux de l'intérieur du corps, mais plusieurs effets lumineux, donc plusieurs sources de lumière, en jouant sur des couleurs non naturelles, en jouant sur la volumétrie et en jouant sur des éléments qui font corps, mais qui ne correspondent pas à la réalité des viscères, des articulations, des os. Donc, j'arrive à trouver, une certaine esthétique qui est d'abord celle de la peinture avant d'être celle du corps. Et d'ailleurs, vous parliez d'intérieur. Bon, que voit-on quand on essaie d'avoir accès à l'intérieur du corps via la médecine? On voit des choses via au travers de l'échographie, d'une radiographie, de la résonance magnétique. Et tout ça, ça se voit par des écrans. Mais ces écrans sont beaux, contrairement à l'intérieur du corps qui provoque une certaine répulsion. Et de la même manière, la peinture devient un écran qui fait penser que c'est du corps, mais en fait, ce n'est pas du corps parce que c'est une fausse réalité, c'est une fiction finalement. Donc donc il y a une espèce de détachement et on revient à la surface, on revient à la couleur, on revient à la texture, on revient à ce qui fait peinture, donc cette recherche picturale là. Mais également moi j'ai le goût de vous de te diriger également vers les titres qui ont été choisis pour ces œuvres là. Donc on a la grande toile qui s'intitule Passano. C'est exact. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là? En fait, les titres viennent, du portugais finalement, et c'est en lien direct avec des résidences que j'ai eues à Porto Alegre, au Brésil, pendant mon année d'études et de recherche, voilà, 2 années, où j'en avais profité pour faire autre chose parce que je n'ai pas tout montré dans l'exposition, mais pour faire entre autres les 2 livres d'artistes et également pour la résidence que j'ai eue ensuite à Lisbonne, au Portugal, où j'ai créé environ 70 œuvres qui ne sont pas dans l'exposition, mais dont je parlerai lors de ma conférence, parce que je donne une conférence demain à 16h30 au 3153 à la Fabrique, à l'École des arts visuels, où je vais justement mettre en exergue d'un point de vue historique, esthétique, théorique et pratique, les influences, l'histoire, le contexte historique et contemporain qui peuvent entourer la production qui fait le sujet de l'exposition. Donc, tu parles, Bernard Paquette, de contexte historique. On parlait des titres des expositions, des œuvres, pardon, donc des titres qui sont en portugais, mais il y en a un qui est en latin, pardon. Oui, mais aussi. Donc, qui vient de cet ouvrage, de ce traité d'anatomie, donc du 16e siècle, De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Mon latin est lointain. est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien entre ce que tu fais qui est vraiment une espèce de projection du corps dans le futur, alors que là, on a un des premiers grands traités d'anatomie que l'être humain a produit. Justement, c'est le traité de Vesalius, Vesal, qui était, si je ne m'abuse, d'origine, enfin, belge, il n'y avait pas la Belgique à l'époque, mais c'est un peu la Flandre, et qui a été un grand médecin qui a servi des rois dans l'Europe entière qui a été à l'origine du premier grand traité d'anatomie. En revanche, ce qui distingue ce traité de ce qu'on appellerait les traités actuels qui viennent après Descartes, où l'homme est une machine et une mécanique, c'est justement que ces traités y compris ceux des contemporains du XVIe siècle, en fait, ces traités montrent des écorchés qui sont animés. C'est-à-dire qu'on voit des images d'écorchés partiels où, par exemple, vous avez une dame qui sourit, qui a toute son épiderme et dont une partie du corps est totalement écorchée. Dans un beau paysage italien. Presque, oui. Oui, donc c'est ce rapport avec les corps écorchés, c'est cette espèce de façon d'avoir un corps écorché qui n'est pas dégoûtant, quelque part, aussi. Oui, mais en même temps, c'est surtout en relation avec la période qui allait, du début du christianisme jusqu'au début de la Renaissance. C'est-à-dire que le corps, c'est une création de Dieu. Et donc, il était difficile, dès lors, de l'imaginer comme un simple assemblage de tendons et de muscles, puisqu'il y avait l'âme. Et que l'âme est en relation avec le mouvement, et que le mouvement, ça donne des écorchés animés. Ce qui n'est pas le cas de la médecine aujourd'hui ou du cadavre d'aujourd'hui. Où on a un rapport beaucoup plus mécanique. Oui, plus mécanique, plus clinique. Mm-hmm, oui. Mais merci beaucoup, Bernard Paquette, pour ce bel entretien. Donc, on invite les auditeurs, les auditrices à aller à votre conférence demain à la Fabrique, l'École des arts visuels. C'est le local, le 3153, voilà. C'est à 16h30. Et l'exposition se poursuit jusqu'au 16 décembre. Exact. Nous, on va partir en petite pause audio et au retour, Anne-Sophie Homer nous parle de ce qui se passe à la bande vidéo. Anne-Sophie Homer, ça Bonjour, va bien? Bonjour, Jean-Tienne, ça va et toi? Oui, ça va super bien. Donc, t'es allée voir l'exposition Dance, Music, Sex, Romance de Samuel Fouracre. Je ne sais pas comment ça se prononce. Il est britannique, je crois. Oui, il est britannique. J'ai regardé un petit peu son CV. Puis effectivement, je n'ai pas son lieu de naissance, mais sur toutes ses études, toutes ses expos sont passées au Royaume-Uni ou en Europe. Mais Une exposition, une installation vidéo qui explore le thème de la séduction, de la romance à l'ère 2.0, de la réalité virtuelle. C'était assez déstabilisant comme installation. Oui, vraiment. Alors, pour moi, c'est encore une belle surprise de la part de la bande vidéo, de ce qu'ils nous proposent. On rentre dans cette pièce, puis le jour où je suis allée la visiter, il y avait un grand soleil dehors. Puis tu rentres, donc c'est toujours très sombre, c'est de la projection vidéo. Et là, 4 ou 5 écrans autour de toi. Donc finalement, tu pénètres un univers. Et tu pénètres un univers qui, effectivement, je dirais pas te bouleverse, mais provoque vraiment un lot d'émotions. Et c'est d'ailleurs ce qu'il cherche. Oui, ça passe du malaise à la séduction. Oui, il y a un peu de vraiment. Tout. En fait, il a commencé ce projet en 2015, puis il a beaucoup évolué depuis. Et d'ailleurs, ce projet est toujours en cours de réalisation. Puis, il vient nous chercher par rapport aux étapes cycliques de la vie affective de chaque individu. Donc, au bout d'un moment, chacun peut s'y retrouver en disant « mais ça, j'ai déjà vécu » ou « ça, c'est oui. quelque chose que j'ai déjà ressenti ». Ben oui, la personne avec qui je suis allée a fait « ah, oh, ça me rappelle la dernière relation que j'ai vécue ». Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et on a ça parce qu'en plus, c'est vraiment contemporain, puisque, par exemple, dans les images, on a ce défilé de textos, tu sais, sur l'immeuble qui descend. Oui, donc on a cette conversation qui se défile comme ça, à la fin d'un film. Le générique de fin, au milieu d'immeubles. Donc, c'est ce que permet la synthèse d'images en trois dimensions, d'avoir des univers complètement imaginaires. Comme oui. Ça. Puis, effectivement, tu parles d'images en trois dimensions, mais il y a également de la vidéo. On a de la vidéo en noir et blanc. On a de la vidéo en couleur. Et parfois, on s'interroge. Est-ce que ça, c'est de la synthèse d'images? Les personnages, des fois. Oui, exactement. On devient confus. On ne sait plus si c'est vrai ou si c'est complètement fabriqué. Oui, exactement. Et puis, est-ce que ces histoires sont issues d'une histoire réelle? Est-ce que c'est de la fiction totalement? On a ces films en noir et blanc qui, c'est pareil, sont ancrés dans l'histoire du cinéma. Puis on les retrouve là et ils sont finalement toujours aussi contemporains. J'ai l'impression que le pari de l'artiste de nous faire éprouver des émotions, un flot d'émotions complètement contradictoires, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Parce que, comme le titre l'indique, Dance Music, Sex, Romance, on mélange tout. D'un coup, on ne sait plus vraiment où on en est. Les repères sont placés. D'ailleurs, l'affiche de l'exposition, ou les cartons, on retrouve ce titre qui est répété à plusieurs reprises. Donc, est-ce que finalement, le titre, c'est juste Dance Music, Sex, Romance? Ou c'est, est-ce que Dance Music, Sex, Romance, Romance, Dance Music, Sex, Romance, comme l'est indiqué sur le truc, avec des hashtags, des... Oui, plein de symboles. C'est ça, plein de symboles. De langage texto. Mais c'est ça, en fait, il y a cette histoire du cycle et du recommencement, de cette espèce de consommation, de l'érotisme à l'air où on a des applications qui ne sont dédiées qu'à ça. Donc, où c'est très, très rapide, où on sait plus ce qu'on veut, ou on sait plus c'est quoi l'amour. Et donc, il y a comme toute cette confusion-là qui participe de l'ambiance de cette exposition. C'est ça. Finalement, il y a un écran vidéo qui est bien fait là-dessus. D'ailleurs, c'est l'image de l'affiche de l'exposition. C'est ce téléphone en gros plan avec plusieurs indications d'applications, de notifications. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est aujourd'hui les relations, finalement, c'est la consommation comme tout le reste. On consomme beaucoup, puis on consomme autant les relations. Et je trouve que c'est vraiment bien mis en avant avec les messages échangés. On voit qu'il y a un peu d'Instagram, il y a un peu de Facebook, il y a un peu de messages avec Apple, avec et puis c'est ça, c'est mélangé dans tous les sens, et il y a une perte de contrôle de l'individu sur l'image, d'ailleurs. Oui, donc c'est les algorithmes qui prennent contrôle de notre vie via ces appareils qu'on prenne partout. Ouais, de ce cycle affectif, sexuel, de cet engagement, de la question de l'engagement aujourd'hui en 2018. Et effectivement, le projet est encore en cours, mais je pense que il va vraiment pouvoir continuer sur cette lancée encore un bout de temps, parce que ça n'a pas l'air de se calmer. Et c'est intéressant parce que tout au long de l'installation vidéo, de ces trames narratives qui s'entrecroisent, il y a ces personnages réels qui nous font des confidences, un personnage réel qui fait une danse tout seul dans le studio. Donc, on a comme une espèce d'accès à la psyché des personnages de cette manière-là. Oui, vraiment. Puis, il y a la question de la réalité virtuelle également. Quand on a les images qui sont projetées sur cette personne, et aujourd'hui, on s'imagine passer ces masques, ces gros masques de réalité virtuelle, et vivre une sorte de réalité complètement à la Matrix, qui n'existe pas, finalement. Moi, je voulais juste inverser cette chronique et te poser une question. Oui. Tu vois, sur les images, on voit ces deux points rouges qui clignotent sur certains moments des images vidéo. J'ai pas réussi à avoir à me donner une explication. Qu'est-ce que t'en as? Mais j'ai posé la question. Ah, t'as posé la question. J'ai posé la question à Josiane Roberge, qui surveillait l'exposition ce jour-là, parce qu'on était le même jour, mais on n'a pas eu le loisir de se croiser. Donc, c'est la représentation d'une division cellulaire. D'accord. Donc, quand on fait des bébés, par exemple, ça commence, on l'apprend à l'école dans le cours de biologie, ça commence par une première division cellulaire, et ensuite, comme c'est comme ça que la vie se forme. Donc, tout au long de cette installation vidéo-là. Il y a cette image de d'une cellule qui, très, très, très lentement, comme dans la réalité, va finir par se diviser parce que la projection, c'est un cycle d'une vingtaine de minutes. Oui, c'est ça. Oui. Donc, j'ai fini par voir les cellules se diviser. Mais oui, j'étais très intriguée parce que, évidemment, on parle de séduction. Donc on pense à deux personnes qui cherchent peut-être à s'unir d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc, il y avait cette idée-là aussi dans la division cellulaire. Mais là, on assiste à l'inverse. On assiste à une séparation. Donc, il y a beaucoup de couches de réflexion qui accompagnent cette installation vidéo-là. Mais j'ai trouvé ça très, très, très intéressant et à voir et à revoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ah, tellement d'éléments. Sur 5 écrans, en plus. Oui. Donc, justement, tu parlais de cette vidéo. Ben, c'est pas une vidéo, c'est une image de synthèse à la verticale avec les pieds d'une femme, la cigarette qui fume et cet appareil mobile, donc un iPhone qui est déposé là et puis les notifications. On voit les messages qui entrent. Mm-hmm. Donc, elle est complètement autonome du reste. Oui, vraiment. De l'installation. Donc, il faudrait aller voir l'exposition seulement pour celle-là et ensuite se retourner sur le banc et regarder les autres éléments de cette installation-là. C'est une installation qui est très, très complexe, mais très solide. Là. Donc, on a vraiment... Oui. On assiste à une ambiance... Il y a quelque chose d'un peu glauque aussi. L'ambiance... La musique. Une ambiance urbaine, une ambiance de grands appartements intérieurs, de penthouse. Vide. Oui, mais de vide aussi, exactement. Donc, il y a d'êtres humains qui cherchent un peu un sens à leur vie. Et quand on lit l'article qui est paru dans Le Voir sur l'exposition, on sent aussi que y a eu des moments de où l'artiste était bousculé dans sa propre vie, a vécu des remises en question, et on dirait qu'on le sent aussi dans l'évolution du travail, dans ce qu'on voit. Puis ce que tu dis est très vrai, c'est que j'y suis allée une fois pour l'instant, et je vais y retourner parce que je veux voir d'autres choses. Puis tu vois, effectivement, j'avais pas résolu le mystère de cette division cellulaire. Ouais. Merci pour l'indication. Merci à Josiane. Mais je pense que j'irai retourner voir pour le revoir de près. Puis j'invite les gens qui y sont allés une fois à y retourner parce que il est possible de découvrir tellement d'éléments et de ressentir tellement de choses différentes que ça vaut le coup de pas s'arrêter. C'est ça, on passe de la joie au malaise, à être complètement intrigué, à pas comprendre c'est quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation du glitch dans les visages à certains moments. Très, très beau. Donc, ce mélange entre la fiction et la réalité dans l'exposition Dance, Sex, Romance qui est présentée à la bande vidéo jusqu'au 2 décembre. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Ça fait plaisir. À bientôt. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Le 26 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle, lundi le 26 novembre. Au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio. Les Titans du Cégep Limoilou. Nous visons le développement d'étudiants athlètes qui participent activement à la vie sportive du Cégep. Au calendrier cette semaine. Samedi 17 novembre, 13h, basketball division 3 féminin. Le Cégep Limoilou reçoit Lévis-Lauzon. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Club, le cinéma d'ici et d'ailleurs. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale Saint-Roch vous suggère La haine qu'on donne, un roman jeunesse d'Angie Thomas.

Donc, ce qui est super intéressant de voir, justement, avec ce redéploiement des collections, c'est, oui, on voit des nouvelles œuvres, mais c'est surtout aussi l'architecture qui est davantage mise. Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, moi, j'ai une petite passion pour l'architecture. Donc, l'architecture qui est vraiment davantage mise de l'avant. On sort du cube blanc, on laisse tomber les simèses et puis on intègre les œuvres à l'architecture du pavillon. Exactement. Puis, je pense aussi beaucoup aux plafonds qui sont mis davantage là, en avant-plan. Donc, il y a ce côté-là, en fait, que je voulais mentionner. Oui, il y a les œuvres, mais il y a aussi l'architecture. Il y a davantage aussi de percées de lumière naturelle, donc ce qui donne des magnifiques points de vue sur les plaines, mais aussi directement dans les salles d'exposition. Donc, pour moi, je trouve que ça vient dynamiser énormément l'espace. Je ne sais pas si tu te rappelais comment c'était avant. C'était un petit peu plus sombre. Oui, oui, c'est ça. On sent un peu comme l'effet musée. C'est un peu l'effet centre d'achat. Là, tu rentres à l'intérieur, tu passes de salle en salle, tu perds tes points de repère parce que t'as tu vois pas l'extérieur souvent. Non, puis en fait, les salles, comment c'était avant, donc il y avait beaucoup de tapisseries, puis on appelait ça un accrochage en touche-touche, notamment dans une salle, donc c'était vraiment les cadres qui étaient apposés au mur côte à côte pour recréer en fait un espace salon. Là, tous les visiteurs à qui j'ai parlé aujourd'hui, c'est « Oh mon Dieu, on respire! » On respire, c'est blanc, il y a de la lumière, les œuvres sont espacées. Donc, je pense que ça permet aussi d'avoir une immersion peut-être un peu plus dans l'espace d'exposition. Donc, et en mettant en valeur toute cette belle architecture Beaux-Arts, c'est une architecture Beaux-Arts, je crois, le pavillon. En tout cas, on va revenir sur ce sujet-là. Donc, cette exposition-là, 350 ans de pratique artistique au Québec, se déploie dans 5 salles avec 5 thèmes. Oui, exactement. Donc, c'est quand même une muséographie là, qui sort de l'ordinaire. Donc les périodes sont toutes mélangées. Là. Donc, est-ce qu'on part de la Nouvelle-France pour venir jusqu'à nos jours? On part quand même de la Nouvelle-France pour venir jusqu'au nouveau jour. C'est juste que ça a été pensé davantage selon des thématiques. Mm-hmm. Donc, on a vraiment 5 thématiques. On a le contexte, en fait, de la Nouvelle-France. La première thématique qui est la thématique croire. Donc, on est davantage dans l'art religieux. La scénographie qui est aussi très verticale. Donc, on rentre puis on a un effet vraiment de splendeur, de grandiosité. On retrouve notamment le maître-autel de la basilique à Saint-Anne-de-Beaupré, qui est donc au musée, vraiment pour mettre en avant-plan l'importance de la religion à la Nouvelle-France, notamment pour l'évangélisation aussi des Autochtones, etc. Donc, est-ce qu'on a aussi de ces images qui ont servi à l'évangélisation des Autochtones? Oui, notamment. Ah, c'est fascinant. Oui, ça c'est vraiment. Ouais, on retrouve justement des petites pièces de cuivre qui se retrouvent donc dans les salles, des pièces donc qui une représentation chrétienne, catholique. Puis c'était des petites pièces donc faciles à transporter, faciles aussi à donner donc aux Autochtones pour justement prêcher la bonne parole. Et c'était aussi hyper bien conservé, l'huile sur le cuivre. Donc on a un exemple aussi dans cette salle-là. Et c'est également l'occasion de montrer les œuvres du fond des tableaux des jardins. Oui, oui, effectivement, fond de tableau des jardins qui est représenté dans l'alcôve, donc qui est considéré comme les premiers tableaux français qui sont arrivés donc en colonie française. C'est les tableaux qui ont fait école auprès des peintres ici parce qu'il n'y avait pas d'école. Non, c'est ça. Donc c'est vraiment des tableaux qui durant la Révolution française ont été pris donc dans les églises, puis les abbés des jardins, l'État français qui considérait que bon, il y avait pas de valeur ces tableaux-là. Les abbés des jardins qui ont décidé d'envoyer ça dans la colonie. Ils ont profité des soldes. Oui, effectivement. Et deux envois massifs là, de bateaux qui ont apporté les tableaux ici, dont un qui est passé par les États-Unis. L'histoire de l'importation de ces tableaux-là, c'est une histoire de film. Oui, effectivement. Je pense que tu en connais un petit peu plus que moi, mais effectivement, c'est impressionnant à regarder. Puis ce qu'on peut voir, en fait, dans l'exposition, c'est les œuvres du Fonds des Jardins, mais aussi les copies qui se sont faites de ça. Parce que comme tu l'as nommé, effectivement, on a une grande tradition artistique en Europe à cette époque-là. Ici, au Québec, il y avait rien. Mm-hmm. Donc les artistes qui voulaient se faire la main, bien évidemment, copiaient les tableaux qui étaient disponibles. Et les tableaux qui étaient disponibles, c'était les tableaux qui avaient été importés par les frères Desjardins. Mais en tout cas, il y a eu une exposition l'année dernière au Musée national des beaux-arts du Québec sur cette collection-là. C'est vraiment une partie fascinante de l'histoire de l'art au Québec. Mais on va y revenir. On va passer à la deuxième salle. Donc la deuxième salle, c'est Devenir. Donc, on part de la fin du 18e siècle. Oui, 18e, 19e siècle. Donc, on est vraiment dans un contexte où la société québécoise est en train de s'affirmer dans son identité. Et je parlais, en fait, là, de scénographie innovante, puis je vais en parler un petit peu tout au long. Dans le fond, Anne-Marie Bouchard véhicule beaucoup le discours que le musée, c'est évidemment, c'est un partage de savoir, mais c'est pas un pôle de savoir unique. Donc oui, les gens arrivent avec un bagage et les gens peuvent avoir en fait des interprétations tout aussi justes qu'une conservatrice pourrait avoir, par exemple. Et elle axe beaucoup sur le fait de pouvoir ressentir dans une exposition pour motiver l'envie d'apprendre, puis aussi valoriser l'intuition des gens. Donc la scénographie fait bien état en fait de ça auprès des spectateurs. Puis c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi dans Devenir, qui je trouve aussi est une scénographie impressionnante, parce que on est donc dans la société québécoise qui s'affirme de plus en plus, et une façon de s'affirmer, c'est avec le portrait, tout simplement. Mm-hmm. Donc les grands qui se font faire le portrait, et on arrive et c'est tout simplement donc des gens qui nous regardent, qui sont apposés donc sur des miroirs, et on se retrouve comme dans une foule bourgeoise du 18e siècle, 19e siècle, de la colonie. Moi, je peux pas m'empêcher de faire aussi le parallèle, le portrait qui était très important à l'époque comme source d'affirmation, je dirais. Ouais. Maintenant, moi, je fais le parallèle avec l'ego portrait, le selfie, intéressant aussi. Donc, je trouve que c'est un parallèle intéressant à faire qui nous est rappelé, en fait, dans la scène. Puis, en parlant de selfie, je vois parce que j'ai pas vu l'exposition, mais j'ai quand même le dossier de presse sous la main, il y a un autoportrait de Zachary Vincent. Et un des éléments qui a été le moteur de ce redéploiement là par la commissaire Anne-Marie Bouchard, c'est de donner plus de place aux Autochtones et aux femmes. Elle a essayé, du moins. Elle a essayé. Faut savoir, en fait, il y a un enjeu majeur là, dans les collections. Il y a seulement donc 9,5% de femmes dans les collections, et encore moins donc d'Autochtones. Pourquoi? Notamment, on peut penser à l'âge d'or de l'assimilation des Autochtones, notamment dans la dernière salle, là, revendiquée, on est vraiment plus dans la modernité. Mm-hmm. Les politiques aussi, à l'époque, de collectionnement, mais c'est un sujet qu'Anne-Marie voulait amener. C'était important pour elle de nommer ça, parce que ça prend de plus en plus de place sur la scène politique québécoise. Des questionnements qui sont très d'actualité. Tellement. Mm-hmm. Puis on se le faisait beaucoup dire hier et aujourd'hui dans les salles, c'est la place de la femme, notamment donc dans la dernière salle, dernière thématique revendiquée avec un discours un peu plus féministe. Mm-hmm. Puis dans le portrait, donc je reviens avec Zachary Vincent. Oui, donc on revient à la salle de Venise. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, donc Zachary Vincent, qui est un artiste autochtone. Wendat, qui est établi ici. Là. Oui, oui, effectivement. Puis on voit son portrait, puis c'est le seul portrait, en fait, autochtone qui se retrouve, en fait, à être exposé. Mm-hmm. Donc, ce qu'on voit, c'est de la bourgeoisie, mais faut se rappeler rappeler que c'est une infime partie vraiment de la société, parce que il y avait aussi des esclaves à l'époque. Les esclaves sont pas représentés dans les portraits. Ça donne la valeur à quelqu'un d'être représenté. Oui. C'est pour ça que le selfie est aussi populaire de nos jours. Effectivement. Donc je pense que c'est important pour le spectateur de se rappeler aussi dans quelle société on évolue, mais aussi moi je pense que c'est très intéressant de remarquer les politiques en fait là, d'acquisition du musée qui reflètent en fait tout ça, tout ce qui s'est passé avec l'histoire des Autochtones, l'histoire des femmes, et que Anne-Marie Bouchard est très ouverte à parler pour faire juste simplement une conscientisation, pas nécessairement parce que, il y a eu... je vais pas rentrer dans un discours politique, puis... mais c'est ça, juste en fait se rendre compte de ce gap-là. Donc, après la salle Devenir, il y a la salle Imaginer. Donc, on est à la fin du 19e siècle. On a vraiment une salle où c'est vraiment le peuple qu'on n'appelait pas québécois à l'époque, qu'on appelait canadien-français, qui s'imagine un avenir meilleur, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, on est vraiment par l'histoire, par l'image. Donc, de 1850 à 1930, on a en fait l'espace politique qui est en train de plus s'affirmer dans le Canada français. L'espace religieux aussi qui est très représenté, encore une fois. Pour l'espace politique, il y avait deux œuvres en fait magistrales que ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas été exposées au musée. On a donc l'Assemblée des six comtés à Saint-Charles-sur-Richelieu, puis aussi l'Apothéose de Christophe Colomb de Napoléon Bourassa, deux œuvres qui sont exposées dans Imaginer. On a aussi l'espace politique public qui prend de plus en plus de place dans la société québécoise, puis on a aussi l'espace intime. Lorsqu'on arrive dans la salle, la scénographie a été vraiment pensée pour qu'il y ait une transition. Donc, l'artiste, est intimement en fait lié à la politique qui se passe à son époque. Donc la scénographie recrée l'atelier d'un peintre, Napoléon Bourassa, qui était très impliqué dans la vie aussi, politique. Il écrivait des articles dans les journaux, il s'amusait à faire des polémiques, cet artiste-là, si je me souviens bien. Oui, effectivement, beau rappel. Donc qui c'est en fait très d'actualité, je dirais, peut-être de le mettre dans cette salle-là puis de faire tout de suite la transition avec l'Assemblée des six comtés, avec le tapis rouge qui peut nous rappeler peut-être aussi l'arrivée à l'Assemblée nationale. En tout cas, bref, il y a plein de beaux parallèles à faire. Et pour la salle Ressentir, on est également à la fin, on est un peu dans la même période, mais on est également à la fin du 19e siècle. Oui, jusqu'en 1930, en fait. Mais avec un autre point de vue, pas un point de vue qui est politique, mais un point de vue qui touche plus aux sensibilités. Oui, paysage, l'expérience du paysage, plus précisément, la nature. Le Canada, c'est immensément grand, et c'est le paysage qui commence à plaire de plus en plus aux artistes, notamment en parallèle avec la construction du chemin de fer. Et la démocratisation de la photographie. Aussi, effectivement, représenter de plus en plus le Canada qu'on commence à connaître, relier l'Ouest en Est. Et les artistes peintres vont aussi s'intéresser à ça. Et l'exposition est montée selon les saisons. Donc, on parcourt vraiment au gré de l'été, du printemps. Donc, il y a aussi quelques thématiques qui s'insèrent là, à l'intérieur de cette salle-là. Et de l'hiver qui arrive à mi-novembre. Oui, l'hiver qui arrive à mi-novembre, mais qui se fait aussi ressentir dans les salles. Rapidement, on arrive déjà à la fin de la chronique. Donc, rapidement, la salle revendiquée, t'en as glissé un mot tout à l'heure. Oui. Donc, j'imagine que tout le refus global, tu parlais de la question du féminisme aussi. Donc, veux pas, les Québécois, on est un peuple revendicateur. Oui, effectivement. Puis c'est vraiment ça qu'on met de l'avant dans revendiquer qui retrace vraiment je dirais, trois manifestes hyper importants. En art, on parle du refus global, Prisme Dieu. Oui, Prisme Dieu, puis le Pélan. Manifeste des plasticiens, oui. Si je ne me trompe pas. Alors, on met ça de l'avant dans cette salle-là, mais aussi l'important, j'en ai parlé un petit peu, mais la femme qui essaie de prendre un peu plus sa place dans cette société-là, on est aussi dans un combat entre une période un peu plus sombre, on parle de la période du Plessis, versus donc des artistes qui revendiquaient beaucoup d'avoir une société plus libre, plus inclusive, mm-hmm, aussi. Ben oui. Mm-hmm. Donc ça, c'est cette dichotomie-là, cette opposition qui se fait ressentir dans la salle revendiquée. Indiqué. Alors voilà. Ben, on n'aura pas eu le temps de parler de Mirage Blanc, ni de l'exposition d'Où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se cédule d'autres chroniques, oui, pour parler du redéploiement des collections. Moi qui pensais que la moitié d'une émission suffirait, mais non, beaucoup trop à dire. Et je vais avoir l'occasion d'aller les voir d'ici là. Donc, oui. Merci beaucoup, Sophie Lessard, la tendresse. Ça me fait plaisir, pour cette belle chronique sur la toute nouvelle exposition. Le vernissage est en ce moment, donc 350 ans de pratique artistique au Québec, et il va y avoir des activités toute la fin de semaine. Nous, on va partir pour une petite pause avec la pièce « Entre ici et chez toi » de Salomé Leclerc, et au retour, on fait l'agenda de la semaine. Donc, c'est l'agenda de la semaine à l'aérospatiale. J'entienne la France toujours avec vous en studio. Donc, hier, aujourd'hui et demain, c'est la foire à dessin des finissantes et des finissants au bac en arts visuels de l'Université Laval. Donc, c'est dans l'atrium de l'édifice de la fabrique. Vous pouvez passer de 10h à 17h. On accepte l'argent comptant seulement en passant. Demain, il va y avoir la présentation informelle du projet Les délices sensibles de Sarah Wen et Pascal Dufault, qui sont actuellement en résidence chez Recto Verso. Donc, c'est à partir de 15h30 au studio d'essai de Méduse. Il va également y avoir, on en parlait tout à l'heure en première partie d'émission, une rencontre avec Bernard Paquette au local 3153 à partir de 16h30. Donc, c'est dans le pavillon des arts visuels à la fabrique sur le boulevard Charest. Il va y avoir des vernissages également. Un vernissage, donc du côté d'Espace Parenthèse au Cégep de Sainte-Foy, c'est le vernissage d'espace publicitaire de Jean-Christophe Blanchette, donc de la photographie, à partir de 17h30. Il va y avoir également grande première de Urgence. Donc, Urgence qui est un projet qui est présenté par Spira et Antitube. Donc, c'est la grande première. C'est six cinéastes, une photographe vidéaste de la Ville de Québec qui ont travaillé sur des courts-métrages. Je pense que dans l'émission Situation critique, ils vont en parler, donc je ne vous donnerai pas trop de détails, mais juste vous dire qu'il y a deux projections à 18h30 et à 20h30. C'est à la salle Multiméduse. Donc, pour découvrir des nouveaux courts-métrages tout frais, c'est demain que ça se passe à la salle multi. Et on en parlait tout à l'heure également, le redéploiement des collections du Musée national des Beaux-Arts, donc se présente sous la forme de 3 expositions. Et il y a des événements pendant 3 jours. Donc, le musée propose des projections vidéo en continu, une nouvelle plateforme numérique à découvrir, des concerts de musique toute la fin de semaine, une conférence samedi. Donc, allez faire un tour sur le site du musée pour avoir plus de détails. Donc, tous ces événements-là sont inclus dans l'entrée au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Également, vendredi, il va y avoir un atelier à Engram d'un artiste en résidence, Franco Riccelli. C'est également les soirées de performance à la Chambre Blanche dans le cadre de la RIAP. Et c'est le vernissage de BGL à la Galerie 3 à partir de 17h30. Et samedi, tout l'après-midi, à la Maison des métiers d'art, c'est la porte ouverte pour en découvrir un peu plus sur leur programme. C'est la dernière fin de semaine pour aller voir les expositions à la Galerie Michel Guimond, Kiernander, Taylor, Metzger et Forsnip. Et c'est également la dernière fin de semaine pour aller voir l'exposition de photos de performance au lieu dans le cadre du volet Europe de la RIAP. J'aimerais terminer cette émission en remerciant Bernard Paquette, notre invité, mes collaboratrices de la semaine, Anne-Sophie Homard et Sophie Lessard-Latendresse. Et merci à Jacques Gignac, le Jean McEwen de la console. Ne changez pas de poste, restez à l'écoute de CKR RL89.1, Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. À découvrir sur la fabrique culturelle. Devant ces merveilles, oublions un moment notre mémoire surchargée. N'aimons plus, ne contemplons plus les choses qu'à leur endroit particulier. Paul-Émile Bourdua. Le refus global. En même temps, l'anniversaire de Refus global était comme l'occasion de revisiter son œuvre et de ramener tous ces documents, le contexte dans lequel il a vécu. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Le 26 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle, lundi le 26 novembre. Au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale Saint-Roch vous suggère « La haine qu'on donne », un roman jeunesse d'Angie Thomas. Lorsque son ami Khalil est tué sous ses yeux par un policier trop nerveux, tout devient un véritable combat pour Star.